Il y avait une conférence de presse hier à Saint-Félicien, une grosse conférence de presse que j'ai eu l'occasion d'assister. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais ça a pas, l'entrevue intégrale n'avait pas été faite. Quoi qu'il en soit, on va reprendre avec notre conversation avec Marianne Saint-Lin. Salut Marianne. Salut. Marianne, quelle belle activité hier, finalement. Il y avait quand même pas mal de monde. On voyait que Résolu était fier quand même de collaborer avec toi. Hein? Oui, un très beau partenariat qu'on a annoncé hier. Comme tu as dit, ben, il y avait. C'est des gens de ma région, donc beaucoup de fierté, autant de ma part que de leur part. Il y a eu une belle réponse des médias, une belle réponse aussi des jeunes du patin qui sont venus. Fait que oui, ça a donné vraiment un bel petit après-midi, là, je pense, tranquille pour annoncer ce nouveau partenariat-là. Puis toi, ça va t'apporter beaucoup. Hein. Tu l'as mentionné en conférence de presse que pour un athlète amateur, c'est pas toujours évident. Faut faire des sacrifices énormes au niveau financier, puis ça va t'apporter beaucoup, beaucoup, puis il n'y aura pas de casse-tête là. Ben, c'est clairement aussi le point important de ce partenariat dans mon cas à moi. Exactement comme tu as dit, notre réalité d'athlète amateur n'est pas toujours rose, puis rendu au niveau où je suis rendu, il y a peu de choses qui peuvent maintenant aider à ce que j'atteigne la perfection, que j'atteigne les plus hauts sommets. Mais l'argent en est toujours une, donc je pense que pour les trois prochaines années, c'est zéro un casse-tête grâce à Résolu. OK, effectivement. Aussi, ben, hey Marianne, hier, je voyais, habituellement, tu étais habillée en rouge lors des compétitions. Vous avez changé votre uniforme cette année, vous allez être habillée en noir? Non, c'est une combinaison spéciale qu'on a fait pour l'événement, pour... Okay. Pour les pancartes, les posters, les cartes, tout ça, c'est un skin que moi je vais pouvoir porter en entraînement, bien sûr pas en compétition parce qu'on a besoin de voir les autres commanditaires, mais Résolu aura sa place quand même sur mon skin de compétition qui sera, oui, à l'effigie du Canada, dont les couleurs blanc-rouge reviendront. OK. Marianne, question d'été que tu as passé? Une bonne été, c'est sûr que c'est toujours la même chose un petit peu, là, on part la machine, on sait là qu'on va chercher les grosses intensités d'entraînement, le gros volume aussi. On a passé l'été à Montréal aussi, donc pas de camp d'entraînement cette année non plus. Donc ça fait toujours un petit peu plus difficile. On aime ça quand le mal change de place un petit peu. Mais écoute, on est content que c'est notre dernier été avant les essais olympiques. Donc vraiment encore une grosse été, beaucoup de choses qui ont bien été encore cette année. Donc voilà, on a très hâte que les compétitions commencent parce que, comme je dis, là, ça commence à être un long stretch, là, puis on commence cette année un petit peu de l'entraînement. Ça fait on est à un an et demi des Jeux de la Corée. Y a-t-il un changement dans la tactique? Est-ce que dans l'entraînement, plus qu'on s'en va des Jeux, plus l'entraînement change? Ben, le gros des changements était apporté, là, je te dirais, après les Jeux de Sochi. Okay. C'est là où on a vu qu'on avait des certaines lacunes, oui, comme tu as dit, tactiques. Puis on avait l'impression qu'on était toujours un pas derrière les autres. Donc on a voulu ramener ça à un pied égal, voire nous avoir un step d'avance sur les autres. Fait que non, le plan change très peu. C'est ça l'objectif, c'est de justement pas changer les choses, puis de les faire comme on sait bien faire, de pas changer nécessairement notre routine. C'est certain qu'il y a des choses qui n'ont pas le choix de changer. Par exemple, les essais vont être en août et non en septembre. Donc, ouais. Peut-être on va être un peu plus tôt dans l'entraînement et tout ça. Mais l'essence même de comment les compétitions vont se dérouler, toute la programmation et tout ça, là, ça change pas parce qu'on veut justement essayer de reproduire le plus possible qu'est-ce qui va arriver l'année des Jeux. T'sais. OK. Marie, t'as suivi les Olympiques. On sort des Olympiques de Rio. T'as suivi les Olympiques. Comment qu'une athlète qui vit les Jeux Olympiques d'hiver suit les Olympiques d'été? Ben, on est vraiment intense. C'est sûr qu'on était plugués là-dessus. Vraiment 24-24. On avait une belle couverture, j'ai trouvé, de tous les sports. Puis, c'est certain qu'en étant athlète, en faisant des événements avec certains d'entre eux, ben, on a des amis, on a des connaissances, mais on est toujours attaché à notre pays. Il y a quelque chose. On est olympien pour le restant de nos jours. T'sais. Fait que peu importe ce qui m'est arrivé, on comprend tellement la réalité des athlètes, des entraîneurs, des bénévoles, on comprend tout ça. T'sais. Fait que ça devient tellement intéressant aussi de le regarder d'un œil différent. Mais oui, on a stressé pour certains, on a pleuré avec certains parce que ça a bien été, mais aussi parce que ça l'a moins bien été. Fait que ça a été déjà en montagne russe. Mais somme toute, on est extrêmement fiers de notre délégation parce que encore une fois, on s'est démarqué. Quand un sport est jugé, parce que Carianne Fortin, entre autres, là, je sais pas si tu as suivi un petit peu la, comme ma Carianne s'est fait voler à la boxe, comment ouais. Toi là, c'est sûr que c'est le temps, donc t'as pas à vivre ça là. Mais tu sais les efforts qu'Ariane a dû passer pour puis là, elle se fait voler. Donc tu dois pas avoir de misère à te mettre dans sa peau. Ça doit être terriblement frustrant. Hein? Ben c'est certain. Puis tu sais, on a une partie jugée nous aussi. Si l'arbitre décide que c'est moi qui ai fait le mauvais dépassement, ouais. Ben je vais être disqualifié. Tu sais, c'est certain que on n'est pas à la même chose qu'à la lutte ou à la boxe ou même ouais. au judo. Mais je peux comprendre cette réalité là parce que outre ce qui arrive, c'est une disqualification, un mauvais call ou un arbitre qui voit juste moins bien ce qui est arrivé là, dans l'action ou peu importe, ben oui, parce que le travail ne s'efface pas. Qu'est-ce qui s'est passé avant tout ça? Le travail que l'athlète a fait pour arriver à ce niveau-là, pour arriver à ce cheminement-là, il n'y a rien qui s'efface, tu sais, mais c'est tellement, oui, c'est cruel, puis c'est crève-cœur que tu te dis, aïe, qu'est-ce qu'ils ont vu que moi, j'ai pas vu, ou vice-versa. Fait que, en même temps, ces athlètes-là sont entraînés pour ça, ils vivent ça au quotidien à toutes les fois qu'ils ont des compétitions. Fait que tu te dis, il y a une partie d'eux qui sont clairement fâchés, ouais. mais ils savent très bien le gérer, tu sais. Mais ben oui, c'est clairement c'est crève-cœur, puis on en a eu beaucoup, je trouve, d'injustice et de malorganisation à ces jeux-là. Mais la plupart des athlètes se sont plutôt bien adaptés. Okay. Ben Marianne, très intéressant, puis merci d'avoir repris l'entrevue. Ben c'est très gentil, merci à toi. Marianne Saint-Gelais de Saint-Félicien.